Salut, salut. Donc un nouveau Lost in Space avec Dominique que vous connaissez. On avait fait une bonne émission, bah même deux, trois émissions l'année dernière. Oui, oui. Oui, c'était sur. On avait fait quoi ? On avait parlé de nos goûts avec le copain Erwin. Oui, voilà. Tous les deux, on écrit dans le webzine Force Parallèle. Et c'est vrai que je m'occupe dans Force Parallèle de tout ce qui est, on va dire, punk rock au sens large, quoi, on va dire. Exactement. Et donc aujourd'hui, du coup, on va faire une émission comme on aime bien, c'est-à-dire éducation populaire des masses par le biais du rock'n'roll. Et le principe, c'est de parler du proto-punk. Donc. Le proto-punk, alors c'est une bizarrerie parce que déjà, il y a le préfixe proto, c'est-à-dire avant quelque chose, donc avant le punk. Donc avant de parler du proto-punk, il faudrait peut-être définir ce que c'est déjà que le punk. Le punk, c'est un état d'esprit qu'on retrouve dans des avant-gardes littéraires, artistiques. On va peut-être pas remonter jusqu'au surréaliste, mais pourquoi pas. Moi, je commencerai quand même peut-être dans les années 60 avec les idées des situationnistes Guy Debord qui voulaient un peu casser les règles, parce que le punk, pour moi, c'est casser les règles. Donc les situationnistes qui voulaient casser les règles au niveau de leurs idées dans l'extrême gauche, etc. Mais là, bon, comme on est dans une émission musicale, on va dire que le punk, c'est aussi une esthétique justement musicale. Je pense qu'on peut retrouver les racines des années 50, ouais, avec certains artistes. Il y a l'attitude d'Elvis, bien sûr. Bon, Elvis, on peut le dire, c'est dans le punk rock. Mais il y a des artistes underground qu'on va classer rockabilly, mais qui déjà annoncent déjà par leur sonorité, par leur énergie, par leur violence aussi. Le fameux punk rock qui commence officiellement à partir de 77, quoi, on va dire. Dans l'émission, on va dire de tous ces artistes qui ont influencé le punk rock à partir de 1977. Donc il y en a pas mal. Dans les années 50, moi je pensais à Azzy Latskin, un artiste qui était assez vénéré par des groupes comme les Cramps. Et son rock des années 50, on va dire, et annonce pratiquement un peu le psychobilly en devenir, quoi, j'allais dire, des années 80. Hein. Les Meteors et les Cramps étaient des grands fans de Azzy Latskin. Et si on s'écoutait Chicken Walk, voilà, parfait comme titre. From the head to toe, do your stuff wherever you go. Do your stuff up on the floor. Do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken walk. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push out. Push in and a push, push, push, push out. Yeah, let's walk, walk, walk, baby. Up on the floor, do your stuff wherever you go, do your stuff wherever you go. Come on, baby, do a chicken walk. Push in and a push out, push in and a push out, push in and a push out, push in and a push out, push in and a push, push, push, push out. Yeah, let's walk, walk, walk, walk, walk, baby. Donc là, du coup, Azzy Latkin, c'est vrai que c'est le côté rockabilly, mais le côté rockabilly rêche, on va dire. Oui. Très, avec finalement pas grand-chose, parce qu'il est tout seul, si mémoire est bonne, il tape du pied sur l'estrade. Oui, tout à fait. Il joue de la guitare avec un son qui est un peu... Un peu comme les vieux bluesmen, d'ailleurs. Hein, comme c'est une sorte de Robert Johnson, mais version chocabilly, j'allais dire. Ça, donc, parce que ces thèmes, ça parle d'horreur, ça parle de sorcières, ça part, c'est des thèmes que vont beaucoup reprendre. Enfin, tout ce qui tourne un peu d'une certaine culture bis, tu vois, c'est lié aussi au film bis des années 50, et tout ça, les Cramps vont le reprendre. Hein. Ils vont le reprendre plus tard. Hein. D'ailleurs, ils avaient fait une belle compile, les Cramps, ça, de Il y a une compil qui était faite de songs de Proms Taught Us. Ça, c'est le premier, c'est le premier album. Ouais, qui était vraiment bien en fait. Ouais. Donc, alors après, on remontera à quoi dans les années 50 dans les années 50, moi je pensais. The Rockettes. Chance at last, do the things we wanna do. Don't hesitate, I can't wait. Love me. You've lifted my soul high. Every muscle in my body's burning with desire. Baby, kiss me too. Make me know you're mine. Love me with desire. Honey, this is fine. Don't hesitate, I can't wait. Love me. Alors, parmi les artistes un peu rockabilly, un peu en marge, qui ont déjà un son très incisif, très abrasif même, il y a un fameux Jerry Lott, voilà, Love Me, son avatar c'était Deux Fantômes, et c'est un titre déjà qui est un peu psycho avant l'heure, on va dire, là aussi. C'est 58, hein, c'est ça le truc, c'est ouais. Même, qui est assez, Alors ça date de ça, oui, comme je dis Rock 50, c'est date de 1958, hein, donc c'est vraiment là, et le titre est assez incisif pour l'époque. Mais ils avaient, est-ce que ces gens-là, ils étaient connus ou pas? Parce que franchement, moi j'ai l'impression qu'à l'époque, ils étaient des extraterrestres. Non, mais parce qu'à l'époque, déjà que Elvis... archi connu, évidemment, il était vu comme un extraterrestre, surtout pour les ménagères de plus de 50 ans, on va dire, voire même de moins de 50 ans. Little Richard était vu comme un extraterrestre, parce que finalement, ils avaient un peu l'attitude punk, hein, Little Richard, homosexuel, noir, il y avait tout en lui pour choquer. Hein. Le déhanchement de Elvis, j'en ai parlé. Jerry Lee Lewis, hein, lui aussi qui a détruisait son piano quand même. Hein, je me suis toujours posé la question de ça. Quand il parle de grosses boules en feu, est-ce qu'il y a une connotation sexuelle ou... Je pense que c'est sexuel, ça. Je n'ai pas approfondi la. C'est un peu comme les lyriques de la. Quoi qu'il aimait bien aussi. Alors là, il y aura un rapport avec Gainsbourg, autre aussi ancêtre du punk, entre guillemets, en France du moins. Tous les deux aimaient les petites filles, hein, ça c'est clair. Hein, mais bon, enfin les jeunes filles. Ce qui peut être quelque part punk, j'en sais rien, hein, mais on va pas s'avancer. Voilà, mais je suis pas vraiment sûr, moi. D'accord. Donc après, du coup, ces années 50, alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va passer peut-être dans les 60s, et puis là, les 60s, il y a... dans les années 50, il y a quand même Link Vray. Mmh. En troisième, Link Vray, avec son fameux titre, l'instrumental... archi connu Rumble, qui a influencé beaucoup d'artistes du punk ou du proto-punk ou du rock tout simplement, Jimmy Page de Led Zepp ou Iggy. We'll be right back. Didi, j'imagine, dans cette émission, quand ils ont écouté Rumble, qui est un classique du rock, hein, du rock'n'roll années 50, ben, paraîtrait-il que c'est ce titre qui les a non seulement influencés, mais qui les a mis dans le bain. Hein. C'est-à-dire que quand ils ont entendu ce titre à la radio, Iggy et Jimmy Page, ils ont dit « on va faire du rock, voilà, on va faire ça ». Et c'est vrai que ça a été remis à la mode, ce style-là aussi, par les films de Tarantino, quand même. Oui. Quand même un vrai... Bah oui, parce que c'était Tarantino, c'est un grand fan de cinéma bis, enfin tout ce qui est culture bis en général, et il aime bien aussi les... j'imagine qu'il a dû fouiner, chiner dans des disquaires pour chercher des artistes comme ça, quoi, hein, des perles rares. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a un cinéma bis, un peu le film de genre, un peu rigolo, film d'horreur, science-fiction, avec des mauvais trucages, des scénarios à l'emporte-pièce, et il y a aussi un rock bis, qui existe encore d'ailleurs, voilà, depuis les années 50. Et souvent, il y a plus de trésors, plus de richesses dans le rock bis, un rock underground, bien sûr, que dans le rock mainstream, ça c'est sûr. Hein. Qui nous a jamais forcément très intéressés, on est d'accord. Enfin, on est tout d'accord encore que... Autour de cette table, c'est le cas. Ouais. Alors, donc là, on a, je pense qu'avec Link Wray, on est quand même passé le tournant des années 60, en fait, me semble-t-il. Hein. Et dans l'émission précédente, on avait aussi parlé de Screaming Jay Hawkins, Memory Raven, oui, qui était vraiment le côté aussi de prélude de l'horreur rock ou l'horreur punk. Oui, bah, lui, il a influencé tout le monde, enfin, un sous-genre qu'on appelle le shock rock. Mm. On pourrait mettre un titre éventuellement. Mais c'est vrai que lui, il est arrivé avec des os à travers le nez. Oui, je crois qu'on en avait déjà parlé dans l'émission précédente, ouais. Quand on parlait de Force Parallèle. Bon, Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You, oui, pourquoi pas. C'est qui a été repris par pas mal de rockers. Hein, En gros, c'est fait partie des morceaux qui ont été repris. Encore Hey Joe. Hein, ouais, et puis qui a influencé encore une fois les Cramps aussi. I'm Il fallait voir comment il arrivait sur scène, hein. C'était vraiment du spectacle. Hein. Il a influencé Alice Cooper, dont je pense qu'on va parler dans cette émission. Et il avait un côté. Il était un peu à l'écart. Hein. Il jouait sur une image ambiguë du black, tel que pouvaient le représenter les blancs racistes de l'époque, c'est-à-dire le noir cannibale, et en même temps, le noir qui est effrayant sur scène, c'est. Et en même temps, c'est attirant. Attirant et puis rigolo, hein. C'est sûr que c'est rigolo hein, quand on le voit, quand on voit des images sur le net de ces shows, c'est plutôt marrant à voir. Hein. Mais un rhythm and blues complètement détraqué pour l'époque, pour le dire. Alors ensuite. Ouais, un Dick Dale quand même. Dick Dale. Ouais, Dick Dale qui est mort il n'y a pas très longtemps. Connu moi, pour. C'est complètement à côté pour. Bah, pour Mircirlou, archi connu. Bah, tu parlais de Tarantino tout à l'heure. Bah, c'est vrai que Tarantino a repris ce fameux titre dans Pulp Fiction. Voilà. C'est vrai que pour les gens, ça va parler, ça, par contre. Ouais. à la base, d'ailleurs, c'était un instrumental grec. Traditionnel. Puis, parce qu'il est d'origine grecque, en fait. Voilà. Et Dick Dale, qui est d'origine grecque, tout à fait, il a repris. C'est une version archi connue. Et Dick Dale, il va influencer pas mal de groupes de garage rock et plus tard de punk aussi. Hein. We'll be right back. Bon, alors, les Pushing to Hard de The Seeds, au niveau des 60s, on pourrait mettre. Parce que c'est un titre déjà qui va influencer des tonnes de groupes qui vont suivre. Hein. Iggy Pop a beaucoup écouté les Seeds. Et d'ailleurs, il a été influencé par le jeu de scène un peu déjanté de Sky Saxon, le chanteur des Seeds. Les Seeds, je les avais vus en concert deux fois. Je les ai vus à Perpignan. Hein, avec il n'y avait plus que Sky Saxon. Hein, et bon, complètement perché, t'imagines bien. Hein, il y a aussi la drogue aussi, peut-être. Hein, parce que là, c'était quand même... Les années 60 ont été marquées par consommation de stupéfiants, ouais, aussi, surtout dans ce domaine-là, en fait, enfin dans ce style musical-là. Oui, alors parce que, bon, Seeds, on va dire que c'est catalogué garage rock, et d'ailleurs à l'époque on emploie déjà le terme punk, parce que bon, bah, c'est des groupes qui réussissent pas trop, c'est des groupes qu'on va retrouver sur les grandes compilations comme Nuggets, qui vont être réhabilités plus tard par d'autres artistes du punk rock, comme le mari de Patti Smith, là. Qui va citer ses groupes, hein, qui va même sur son label, je crois, il va ressortir les Peebles, les fameuses compilations Peebles, qui parlent de tous ces groupes garage. Hein. Mais les Seeds, ils avaient un son vraiment, c'est pour ça que je parle des Seeds, parce qu'ils avaient vraiment un son corrosif pour l'époque, qui annonce pas loin les Stooges par moment. Hein. Comme The Litter avec leur fameux hit Action Woman, c'est déjà un groupe high energy avant l'heure, on va dire, avec un gros son de guitare qui je pense va influencer un peu MC5, hein, ou du moins on peut cataloguer The Litter pas loin du MC5. Et qui lui présente donc sur la toute première compile Peebles d'ailleurs, et c'est lui qui ouvre la première compile Peebles, donc. Alors ce titre a été repris par plein d'autres groupes, hein. C'est un classique dans les soirées 60s, les DJ mettent souvent ce titre. Hein. your last mistake. I've gotta find myself some action to satisfy my soul. A little mind distraction before I lose control. You say you love me, girl, but why are you so cold? Think you own the world, but you don't own my soul. A little competition now, maybe that'll wake you up, stir up some ambition, yeah, and really shake you up. Et est-ce qu'on en retrouve, à ton avis, dans la production actuelle des traces de ça ou pas? Bah, le problème, c'est qu'il y a plein de groupes depuis 15 ans. Bon, moi, j'écoute pas trop hein, tous ces groupes revival psychédéliques. Leur référence, c'est tous ces groupes garage, 60s, psychédéliques, etc. Mais je trouve que les productions sont vachement propres par rapport à ce son, justement, garage qu'il y avait dans les années 60. Hein. Après, il y a des bons groupes. Hein. Moi, j'ai vu deux fois en concert les Fioces. Ils se réfèrent vachement à tous ces groupes. C'est pas mal, hein. En concert, ça déménage bien, mais je trouve que c'est une bonne synthèse de... Pas mal de groupes depuis les 60s, quoi, on va dire. Fioces, ils synthétisent tout, quoi, en fait, sur scène. Ils tentent de reprendre. Après, c'est toujours pareil. C'est le problème, plus généralement, du revival. On essaie de recréer des sonorités d'une époque qu'on n'a pas connue, mais est-ce qu'il y a l'état d'esprit? Éternelle question. Voilà. Après, bon, en concert, c'est vrai que c'est bien. Hein. Yeah, I know how you want it. I'm cocking the tight. The girls wanna keep on rocking till the morning comes. Let me be who I am. Let me kick out the jam. Yeah, kick out the jam. The sun kicked them out. Alors là, bon, alors vraiment, là on attaque dans du lourd, mais dans tous les sens du terme, puisque là, MC5 avec leur classique qui tape de James, live de 68. Alors là, on est dans la région de Détroit, hein, en Amérique. Et ils avaient un truc en plus par rapport aux autres, c'était la conscience politique quand même. Alors, ils avaient, voilà, voilà, alors déjà, c'est punk, pourquoi ? Parce que comme je disais au début de l'émission, c'est que le punk rock, bon, il y a une esthétique musicale, hein, évidemment, mais les autres groupes avant ne parlent pas de politique, hein. Enfin, les groupes proto-punk 50s ou les artistes comme Azzy Atkins ou Screamin' Joe Hawkins, c'est pas du tout leur préoccupation. Avec MC5, on est dans un autre contexte, c'est la guerre du Vietnam, la contestation dans la rue, on est à Détroit, il y a les pires émeutes aux États-Unis depuis 67, hein. Il y a des morts, il y a carrément, on envoie la garde nationale, hein. Les chars dans la rue, il faut se remettre dans ce contexte de l'époque. Et donc à Détroit, alors qu'en 67 t'as les hippies qui font des rengaines folky, baba cool, peace and love et compagnie en Californie, bah à Détroit c'est un autre contexte géographique, un autre contexte culturel et donc un contexte politique complètement différent. C'est pas le peace and love de des hippies, mais c'est plutôt la violence prolétarienne qui va annoncer déjà idéologiquement, on va dire, le punk de, à la fois anglais et un peu américain aussi. Voilà, donc des MC5, et bon, alors, au niveau musical, purement musical, ils avaient, on pourrait classer ça dans une forme de high energy. Ça va influencer beaucoup de groupes, des groupes de hard rock, stoners seront influencés par MC5. Et ils ont une puissance de feu sur scène hallucinante. Le live de 68, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit, c'est pas possible, ça date de 68. Pourtant, à l'époque, j'ai écouté le Kitab de James. À l'époque, j'étais branché trash metal, hardcore, et j'écoutais des trucs bruyants. Mais je trouvais que MC5, c'était beaucoup plus violent, je trouvais. Par l'intensité, après, tu te remets dans le contexte de l'époque, tu sens les mecs qui a. Dégage une rage, une telle rage sur scène que ça joue sur la musique aussi, tu vois. C'est clair. Voilà. Bon, c'est un live incendiaire, hein, quand on ferme les yeux, on a l'impression de voir les barricades, les émeutes. Alors bon, les Stooges, bon bah là ça devient classique des classiques maintenant. Ce qui m'énerve d'ailleurs un peu, c'est que les Stooges maintenant dans toutes les soirées, tu vas dans les bars un peu rock, tout le monde danse sur Wanna Be Your Dog comme si c'était l'aventurier de d'Indochine, tu vois. C'est devenu tellement classique. Bon, c'est bien, hein, tant mieux pour Iggy, pour les royalties, on va dire. Mais moi, j'ai connu une période. Bon, bah, je suis né à l'époque où il y avait les Stooges, hein, donc évidemment, en 77, j'avais 10 ans, je n'écoutais pas de musique. Mais quand j'ai acheté Fun House la première fois, je me suis dit, bah, là aussi, c'est un peu comme le MC5, voire même pire que le MC5. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un groupe fasse de la musique aussi violente en 1970. Parce que là, tout est punk. Mais. Dans l'attitude, dans les lyriques, dans leur dégaine, dans la musique. C'est vraiment, ça annonce le punk rock avec un grand P. Hein. No Fun, c'est vraiment l'ennui. En plus, c'est des préoccupations, je dirais. Autant le MC5, je disais, ça va influencer l'aspect punk, mais je dirais plutôt très politisé du punk rock comme les Clash, ou plus tard les Dead Kennedys, on va dire. Alors que les Stooges, c'est des préoccupations plus individuelles. Tu vois, que tu retrouves le dans les Buzzcocks. C'est le spin de l'adolescent en classe moyenne, en fait. Hein, c'est vraiment. Mais c'est révolutionnaire en même temps. Hein. Mais sauf qu'Iggy et ses musiciens, ils ne voulaient pas rentrer dans les délires à la MC5, genre s'engager dans des parties, genre White Panthers, partie qu'ils avaient créée, le MC5 avec George Sinclair. Ils n'étaient pas du tout dans ce délire-là. Eux, c'était plus un délire, donc on va dire, individuel. Hein, voilà. Pour aller de l'adolescence. Et on va mettre No Fun parce que c'est quand même un. Voilà, No Fun, je pense. Qui a bien été repris par les Sex Pistols, ça fait quand même une belle transition avec pour montrer les deux grandes parties. En fait. Très grand classique, No Fun qui a été repris par 3 milliards de groupes. Hein. bon, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, j'ai grandi dans les années 80. Bon, maintenant on est en 2019, les Stooges c'est devenu un classique du rock comme Led Zepp, tu vois. Bon. Mais dans les années 80, c'était pas encore, c'était underground. Je sais pas si tu te rappelles, bon, je veux dire, les mecs, on n'en connaissait pas tant que ça, les mecs qui écoutaient les Stooges dans le milieu du rock, tu vois, même les punks, ils ne connaissaient pas. Moi, je connaissais des punks à Crète à l'époque, ils connaissaient un peu de loin. À part à Paris, parce qu'il y a quand même eu un événement à Paris en 77, c'était le live de Iggy aux autres Vincennes, à l'hippodrome de Vincennes, pas dans le zoo. C'était la blague justement de dire qu'il avait fait le live au zoo, mais non, il l'avait fait à l'hippodrome et ça avait marqué une grosse génération de parigots parce qu'effectivement, ils voyaient ce que c'était, quoi, un Américain. Mais en province, on était. De toute façon, le punk rock est arrivé un peu après. Le punk rock en France, c'est surtout un phénomène parisien, j'allais dire parisianiste. J'aurais dû dire ça. C'est Paris, Rouen et Lyon. Voilà. Mais après, il y a quand même des. Dans des villes, il y a eu des groupes punk, hein, bien sûr, qui sont arrivés. Il y a Lyon, Star Shooter. Bon. Mais. C'est vrai que à Paris, il y avait l'Open Market, le magasin de Marc Zermati, et il y avait toute la fine fleur de la rock critique française qui défilait là-bas dans son magasin. Ben, ils étaient au courant de tous ces groupes qui allaient annoncer le punk. Hein. Déjà, ils fréquentaient le magasin, était ouvert à partir de 73. Il y avait MC5, Stooges. Et là, alors là, par contre, pour faire la transition, les Flaming Groovies, on pourra en parler aussi. Flaming Groovies, c'est un groupe. Alors eux, pour moi, ça m'a toujours fait penser à du Rolling Stone, un peu plus punk, on va dire. We'll be right back. Ça, c'est le côté plus rock'n'roll traditionnel, en fait. Moi, c'est vrai que dans l'histoire du punk, il y a quand même toujours deux tendances. Il y a tendance à se rapprocher du rock'n'roll et la tendance à se rapprocher de l'expérimental, en fait, et du boîtiste. Alors ça, c'est rigolo. On va pas faire des querelles byzantines sur les étiquettes. Hein. C'est vrai que tout ça, ça reste du rock. Mais ce qui définit le punk rock, c'est ça, une sorte de sincérité, de pureté, de simplicité. Voilà, on revient au rock'n'roll des origines. Voilà, mais certains vont aller un peu plus loin, c'est-à-dire du rock'n'roll des origines, ils vont aller vers des choses un peu plus arty, expérimentales, comme Père Ubu, mais on en parlera. Dans la tradition du shock rock de Screaming Joe Queens, Alice Cooper qui parle aussi des tourments de l'adolescence dans ses paroles et qui a une attitude qui n'a rien à voir avec les hippies. On peut mettre Schools Out, qui est un classique du rock. Voilà, Schools Out qui montre bien la ce côté un peu, ce cri libérateur, l'école est finie, propre aux adolescents qui en avaient marre de l'école qui était assez oppressante, on va dire, pour certains ados, surtout en Angleterre ou aux États-Unis, selon les écoles où on était. Et voilà, ça c'est déjà, ça annonce un peu la démarche punk individuelle pour moi. Je pense qu'Alice Cooper, on peut le mettre dans le proto-punk, même si bon, c'est pas le rock'n'roll high energy, la MC5, c'est pas le délire quasi psychobilly de Asia Skin, c'est pas le côté stonien des Flaming Groovies, mais c'est l'ancêtre du hard rock et du metal. Voilà, oui. Alors par contre, Alice Cooper va influencer évidemment tout le style hard rock, et le heavy metal, dans ses paroles, dans son attitude, son côté shock rock, son jeu de scène, ça annonce aussi pas mal de groupes punk qui vont se revendiquer de lui, hein. Bah déjà Johnny Rotten, c'est un fan des Sex Pistols, c'est un fan absolu d'Alice Cooper, hein. Les Cramps, encore les Cramps, ils vont citer Luxe Intérieur des Cramps, a dit son idole c'était Alice Cooper. Donc après Alice Cooper, en fait, du coup, bah, alors, je sais pas, j'ai pensé à Pink Fairies, un groupe anglais, Do It. Aussi, c'était un groupe qui a beaucoup de groupes stoner actuels écoutent, mais Do It, ça a été repris par Henry Rollins par exemple, hein. C'était dans cette courant un peu psyché, un peu heavy rock des années 70, mais qui avait une conscience déjà prolétarienne, et qui eux aussi ont influencé certains groupes punk, hein. Les Clash étaient des grands fans des Pink Fairies, hein. Voilà. Alors moi, quand on écoute les Pink Fairies, ça fait penser un peu une sorte de hard rock des années 70, mais ça n'a rien à voir avec le côté pompeux de Deep Purple, rien à voir avec Led Zeppelin, c'est vraiment à part, hein. Ça, c'est un peu l'école Pretty Things aussi derrière, hein. À cheval entre, j'allais dire, le proto-punk et le psychédélique aussi. La reprise d'Henry Rollins, c'est super bien. Ouais. Elle bastonne, ouais. Ah ben Ronin, il a adoré tous ces groupes-là. Hein, et, comme ben Johnny Rotten aussi, t'es un fan des Pink Floyd. De toute façon, le punk rock en 77 en Angleterre, il fallait bien qu'il parte de quelque part. Hein. Donc les Clash, les Pistols, ils traînaient. Bon, ils ont eu la révélation quand il y a eu les Ramones, qu'on va en parler. Mais quand il y a eu les Stooges qui sont passés à l'époque de Raw Power, c'est vrai que là, ça a été vraiment l'illumination. C'est même plus la révélation, mais l'illumination comme Saint Paul, tu sais, qui descend d'un cheval. Mais avant, ils écoutaient des groupes comme ça, hein, comme Pink Ferries. Puis il y a un autre groupe, on pourrait le mettre aussi. Ah, ils sont catalogués Space Rock, ils étaient potes avec les Pink Ferries. Et dedans, il y a un certain Lemmy Kilminster qui va jouer. C'est O'Queen, oui, Silver Machine. We'll be right back. au Queen. Alors c'est cosmic rock, alors c'est entre le psychédélique là aussi et le proto-punk, mais ils ont une façon assez primaire de jouer. Ils se distinguent des groupes, c'est l'antithèse du rock progressif qui bat son plein à l'époque dans les années 70 en Angleterre, hein, avec des trucs affreux comme Genesis et compagnie, hein. Et eux au Queen ils sont vraiment à part, hein. Ils ont un light show sur scène, c'est un concert, c'est spatial, mais ça n'a rien à voir non plus avec Pink Floyd qui s'embourbe dans un rock stadium, j'allais dire inoffensif, mais au Queen ils sont vraiment développe une sorte de space rock qui va influencer, moi je vais un peu loin, le post-punk quand même. Ian Curtis était fan de Hawkwind par exemple. Alors après c'est compliqué parce que bon, on parle du proto-punk, donc on l'a dit au début de l'émission que proto-punk, bon, préfixe proto, punk on l'a dit, on l'a défini, c'est tout ce qui est avant 77, c'est-à-dire l'explosion médiatique du punk rock qui germait depuis des années avec des artistes depuis les années 50, hein. Alors c'est compliqué parce que est-ce que les Ramones c'est proto-punk ou punk rock, parce que c'est vrai qu'ils chronologiquement ils arrivent en 74, hein. Bon, par contre puisqu'on est à New York, ben, il faut penser aux New York Dolls, hein, New York Dolls, qui ont alors eux vraiment influencé les punk rockers, hein. C'était une sorte de leur musique, c'était un, moi ça me fait penser à du Rolling Stone en plus trash, justement ils avaient un titre qui s'appelait titulé comme ça, trash, avec beaucoup de maquillage sur scène, très outrageant, des chansons courtes, 3 minutes, voilà, qui reviennent un peu au rock'n'roll des années 50. Et le meilleur guitariste de tous les temps, de Monsieur Judy Fender. Je me rappelle que quand on était au lycée, même nous, dans les années 80, j'avais beaucoup de copains, branchés garage, eux, mais ils me faisaient découvrir Judy Fender. Moi, je connaissais pas, j'étais dans ma période hard rock. Et c'est vrai que Fender, ça m'avait impressionné, quoi. C'est le guitariste qui dit que ce qui est important, c'est pas les notes que tu joues, c'est celles que tu joues pas. Volontairement. Non, mais c'est vrai en plus, parce que c'est le guitariste de l'entre-deux en fait. Oui. Il fait juste ce qu'il faut avec un toucher, on va dire, assez personnel. Il en fait ni trop ni trop peu. they started to blur. Not like one personality. When your mind starts to blur, got so much personality. Flashing on the friend of a friend of a friend of a friend of a friend. Personality. Wondering how celebrities you ever been. Looking fine on television. Personality crisis. Got it while it was hot. It's always that you know that frustration. Haunted all you got. Oh, don't you worry. Personality crisis. Please don't cry. It's such a personality crisis. Please don't stop. Because you want the personality. Got the personality. Et alors, par contre, c'est vraiment l'enfer de l'héroïne. C'était un peu le problème des années 70. Ouais, alors voilà. Mais bon, alors, tu vois, bah, après la. Est-ce que la défonce est liée au punk? Oui, pour, beaucoup de punks se sont défoncés. Même si plus tard, il y a eu des groupes de hardcore qui se disaient stratèges et ils s'en foutaient de la dope, tout ça. Mais pas nécessairement, hein, parce que la défonce n'est pas synonyme de punk. Hein, je veux dire, dans les années 70, les gros progressifs, les, ah bah, tout ce qu'on n'aimait pas, Genesis, Yes, tout ça, ils se défonçaient aussi. Hein. Mm. Bon, mais ça fait partie, disons que y a un aspect du punk quand même, c'est les drogues dures, moi je dirais. Parce que les hippies, c'était plutôt quand même les drogues douces, voilà. Mais ce qui caractérise le proto-punk, c'est quand même l'aspect dur. Et proto-punk, oh, oh, proto-punk américain, parce que les Anglais, ouais, sont peut-être... Oui, ouais, voilà, alors j'allais y venir. Complètement différent, en fait. J'allais y venir parce que, bon, évidemment, il faudrait qu'on a oublié la... Enfin, c'est pas qu'on a oublié. On pourrait évidemment, dans le proto-punk, il y a un groupe évidemment à New York qu'on a complètement, qu'il faut citer, c'est le Velvet Underground, évidemment, hein, avec Lou Reed. Qui lui est vraiment pour le côté arty. Donc, alors là, c'est le côté, c'est ce qu'on dit. Ouais, parce que c'est plutôt le proto-punk, déjà un peu arty, un peu expérimental, qui vont influencer la new wave, les groupes post-punk. Mais aussi les punks, hein, avec déjà ils avaient une imagerie sinistre, tout en noir, les lunettes noires, ça qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans d'innombrables groupes, dans la new wave dure ou la new wave gothique, tu vois. Et puis des paroles, tu vois, ça parle de défonce, mais voilà, ça n'a rien à voir avec l'esprit baba cool, hippie. Ils ont une attitude qui annonce le punk, on va dire, avant l'heure. Au niveau de le rapport avec l'art, en fait, l'avant-garde artistique, avec les pochettes d'Andy Warhol, voilà. Le fait de faire chanter Nico, qui était une icône de la mode et du cinéma, avec sa qui était Nico, c'était l'antithèse de Janis Joplin pour moi. Me. try to nullify my life. 'Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death. Sweet girls with all your sweet talk, you can all go take a walk. And I guess I just don't know. And I guess that I just don't know. I wish that years ago, I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that on a sailor's suit and cap. My life, because a manor to my vein leads to a center in my head, and then I'm better off than dead. To flow. I really don't care anymore. Et on parlait de la drogue, c'est vrai que par rapport aux hippies, donc les hippies c'était plutôt le hashish, tout ça, bon, les expériences, l'acide. Et là, ça, on parle d'héroïne, quoi, hein, c'est vraiment la dope dure. Donc c'est la dope dure pour une branche du punk, ça caractérise un peu le punk rock aussi, hein, malheureusement, hein, moi je dirais. Hein, bon. Et en parallèle, parce que là, si on est toujours aux États-Unis, on est à New York, mais en parallèle, il y avait quand même toute la scène en fait de Cleveland, en fait, avec les Electric Hills et ce genre de choses, Styrens. Ah, bien, des Rangides. Donc, avec des gens qui ont commencé à jouer avec. Alors là, Electric Hills, c'est vraiment l'underground 70s. Electric Hills, leur batteur, bah, va être connu, puisque c'est le premier batteur des Cramps. Encore les Cramps, on y arrive. On parle toujours des Cramps dans cette émission. Et Agitated, c'est très très mal joué, c'est très brutiste. Les vocaux, c'est punk vraiment avant l'heure. C'est un groupe vraiment innovateur, hein, Electric Hills, mais en plus c'est vraiment bordélique sur scène. Même les Stooges à côté, c'est Grateful Dead à côté, hein, mais vous le dire, hein. Ah, là, Electric Hills, il y a des titres sur une compilation que j'ai le vinyle, mais c'est impressionnant, hein. Oh, I'm so agitated. I'm so convoluted, I don't know what I know, but I just like to shoot it, and it's 5 a.m. and I'm blowing the walls, just waiting for imaginary telephone calls. And I'm so agitated, so agitated, agitated, I'm so agitated, I'm so agitated, I'm so agitated that I'm so agitated. You know what I think? I think the whole world stinks, and I don't need no shrink. I just hate it. Et à la même époque aussi, sensiblement, donc début des années 70, on avait dans un autre coin perdu du centre des États-Unis, à Akron, à Ohio, il y avait aussi Devo. Ouais, Devo. Devolution. Alors Devo, ils vont influencer carrément le post-punk, hein, parce qu'ils arrivaient avec leurs uniformes futuristes. Eux, déjà, c'était le rock du futur. Hein. Ils ont annoncé pas mal de vagues. Avec leur concept assez délirant de la dévolution. Ouais. Ils pensaient que l'homme n'évoluait pas, mais il dévoluait pour eux. Et on écoutera leur magnifique reprise aussi après du standard des Rolling Stones. I can't get no satisfaction, pour rendre compte à quel point ils déstructuraient le truc. Et eux, ils ont fait une énorme carrière, en fait, hein, Devo, qu'elle a duré jusque dans les années 80, fin des années 80-90. Avec le Mark Mothersbaugh qui continue de faire de la musique maintenant pour des séries. La dernière que j'ai vue, la musique de Mark Mothersbaugh, je crois que c'était une série d'Uchronie d'après un bouquin de Philip K. Dick. Ça s'appelle Man in the High Castle et c'est encore lui qui fait la musique. Ouais, bah, tout est lié. Hein. Ouais. K. Dick, c'est punk aussi. Ouais. Dans la littérature. Hein. D'ailleurs, un aspect du proto-punk aussi, bon, on parlait un peu de la musique, hein, mais il y a des références artistiques à Andy Warhol par rapport au Velvet, mais il y a des écrivains comme Burroughs, voilà, qui n'avait rien à voir avec... on l'a rangé dans la Beat Generation, mais ça n'avait rien à voir. C'était la littérature punk avant l'heure. Hein. Ça parlait des drogues dures. Rien à voir avec un Kerouac, par exemple, hein, au niveau littéraire. Hein. Groupe des années 60 qui annonce le, vraiment le punk rock, moi je pensais à Psycho des Sonics, ils avaient un son vraiment garage rugueux pour l'époque, très violent. Moi je les ai vus il n'y a pas très longtemps à Marseille. Bon, bien sûr, il n'y avait plus qu'un membre original, hein, comme la plupart de ces vieux groupes, hein, évidemment. Hein. Ça assurait pas mal d'ailleurs en concert, parce que t'avais aussi le batteur de Diddell, t'avais un membre des Lords of Altamont, bon, plus jeune évidemment, t'avais un guitariste des Wailers quand même, autre groupe de garage des années 60. Donc les Sonics, grande influence pour pas mal de groupes punk, encore les Cramps. Et c'est quand qu'on va en finir par en parler de ces Cramps alors ? Alors, les Cramps, proto-punk ou pas ? Parce que on pourrait les mettre, pourquoi pas ? Parce que figure-toi que Lux Intérieur, il appartient à la génération d'Alice Cooper et d'Iggy Pop. Ah oui, c'est ça. Il est de 49. Alors, on peut le. Puis ils ont commencé un peu avant 77. Hein. Donc, même si leur premier album, c'est. Premier titre, c'est 77-78, on va dire. Là, celui qu'on écoutera après, Human Fly, il a vraiment ouais, le. Ouais, Human Fly. Il est de 84, en fait. Donc, alors, justement, les Cramps, c'est le lien avec le proto-punk 50s au niveau musical, hein, puisqu'ils vont en faire un genre, le psychobilly. Bah, à l'époque, moi, quand j'écoutais les Cramps, j'ignorais, moi, Azzy Latskin, je connaissais pas, moi, tout ça à l'époque. Hein, je vais avoir à parler, à part peut-être ceux qui creusaient, quoi. Mais à l'époque, moi, les Cramps, je trouvais ça délirant. C'est pas si original que ça, entre guillemets. Bah, parce qu'ils reprenaient des recettes de Azzy Latskins qu'ils ont retrouvé, qu'ils ont mis avec un son un peu plus stoogien. Voilà. On retrouve la même chose dans la vague ska qu'il y avait aussi dans la fin des années 70, où tu prends les Specials. En fait, c'était que des reprises. Hein. Bien sûr. Exclusivement des reprises. C'est pareil, moi, les Specials, j'ai commencé par ça d'ailleurs à 12 ans, avec Gangster. À la radio, c'est un des premiers titres rock. J'écoutais pas de rock jusqu'à 12 ans, on va dire. Et à 12 ans, les premiers titres rock, mais je me rappelle de Gangster, des Specials, mais ils reprenaient des choses du ska et du rock steady des années 60. Mais ça, je l'ai su plus tard. Il est évident qu'à 12 ans, je ne le savais pas. Ça, hein. Même après, quand j'achetais les disques des Specials, je ne savais pas que. Moi, je pensais que c'était leur musique originale. Alors qu'en fait, comme les Cramps, ils étaient influencés par toute une culture. Comme le Police and Thieves des Clash. Les Clash, ouais. Pareil. Moi, je pensais que c'était un titre original des Clash à l'époque, quand j'avais acheté le premier album. Alors qu'en fait. On écoutera l'original d'ailleurs, le Police and Thieves de Junior Murphy. Oui, tout à fait, ouais. Police and thieves in the street. Ça veut dire que voilà, dans le protopunk, il y a aussi d'autres courants musicaux qui sont pas que du rock de blanc-bec. C'est-à-dire que voilà, ben, les punks historiques, Johnny Rotten, ils traînaient avec des Rasta, les Clash aussi. Donc ils ont été influencés par le reggae. Les specials qu'on peut cataloguer punk quand même ont été influencés par des musiques comme le ska, hein. Ben, les musiques des minorités en fait. Les punks, comme ils étaient minoritaires, bah, ils se retrouvaient écouter des... Et tout ce mélange, d'ailleurs, l'énergie du punk, plus le reggae, tout ça, bah, ça va donner le post-punk. Puis c'est un jour, peut-être qu'on fasse une émission aussi, ouais, dessus, tout ce qui est sur le Troyan, ouais. Les influences à Northern Soul, et toutes les influences black qu'il y a pu avoir sur le mouvement, c'est... Mais du coup, là, on s'en sortirait pas. On s'en sortira pas aujourd'hui, mais ouais. Prenons rendez-vous. Ouais. On pourra faire un truc quand même. Donc, on était les influences black, on a eu donc les cramps et tout ça. Maintenant, on se rapproche quand même furieusement de ce... Bah, le 77, on pourrait mettre... Ah, je pensais à un groupe aussi, à un groupe Glitter, pas loin des New York Dolls, c'est les Hollywood Brats. Qui était de Californie, je crois, et eux aussi ils arrivaient très glam. Ils arrivaient sur scène, Sick on You, et Sick on You, 73, ouais, 73, ça annonce déjà des, c'est une espèce de heavy rock glam à la New York Dolls, mais ça annonce un peu des saturations punk. Yeah. Alors, les Rockets from the Tombs, ils étaient de la région de Cleveland, je crois. Mmh, aussi, ouais, dans l'Ohio. Et dans l'Ohio ou Cleveland, ouais. Oui, mais c'était... Ouais. Et en fait, il y avait le fameux David Thomas qui va faire plus tard Père Ubu. Mmh. Et tu as aussi les membres des futurs Dead Boys aussi. Mmh. Et eux, déjà... Ça annonce. Ils vont faire des chansons qu'on retrouvera dans Père Ubu, dans les Dead Boys. Mm. Et ça annonce déjà aussi. Ils ont des sonorités qui vont annoncer presque le post-punk. Hein. Et c'est assez abrasif pour l'époque, assez violent. Gotta buy a gun. Ain't it fun 'cause you're taking care of number one. Ain't it fun when you just can't find your tongue. Just stuck it way too deep in something that really stung. Ain't it fun? Such fun, such fun, fun, fun, fun, fun. Somebody came to me and they spit right in my face, but I didn't even feel it, it was such a disgrace. I broke the window, smashed my fist right through the glass, but I couldn't even feel it, it just happened too fast. It was fun, such fun, such fun. that she's just a cunt. Ain't it fun when she splits and leaves you on the bum? Ain't it fun when you've broken up everything you've ever done? And ain't it fun when you know that you're gonna die young? It's such fun, such fun. Ça, c'est toute la même bande qu'on était avec les Electric Kills tout à l'heure, hein, qui, là, voilà, les Mirrors, tout ce genre de choses. Donc voilà, c'est Mirrors, très bon. Voilà. Donc du coup, il y a un titre de Mirrors que je. Alors, tu avais de Cleveland aussi, qui est dans l'Ohio. Tu avais les Mirrors. Et les Mirrors, dans les années 70, entre 72 et 76, ils font une sorte de rock dans le prolongement du Velvet, qui est excellent. Alors écoutez, Annie, donc. Alors très influencé les vocaux à la Lou Reed.